banque, mais le test climatique, c'est encore autre chose. Oui, merci Madame la Présidente. Juste quelques mots pour remercier les organisatrices. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Et puis un véritable honneur de présenter sous la présidence de la professeure Delmas Marty. Donc merci beaucoup pour ces honneurs. On reste donc dans la thématique de réinventer, c'est-à-dire de faire du neuf avec de l'ancien. Et pour cela, eh bien, de se référer au droit comparé, ça peut être une bonne méthode. On va prendre cette fois-ci le droit canadien. Et on va se pencher notamment sur la question de l'évaluation, évaluation climatique, essayer de revoir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en droit français, notamment en matière d'évaluation climatique. Donc le propos porte sur le droit canadien, le droit fédéral plus spécifiquement. Le Canada, dans une certaine mesure, est vu comme à l'avant-garde en matière climatique. Bon, quand on pense au Canada, on pense à ses grandes étendues de nature. Peut-être on pense aussi aux énergies renouvelables, par exemple pour le Québec. Le Québec produit 100%, enfin 99% de son électricité à partir de sources renouvelables, ce qui est enviable pour de nombreux États. Donc le Québec a déjà réalisé sa transition en matière électrique. Mais à l'inverse, le Canada présente aussi un sérieux dilemme, c'est-à-dire que c'est la troisième réserve mondiale de pétrole après l'Arabie Saoudite et le Venezuela. Et donc on a une réelle contradiction parce qu'une partie du Canada veut continuer à produire, elle a soi-disant de la richesse sous terre, elle veut produire, continuer à produire. On a ainsi une sorte de grand écart entre les objectifs climatiques, il y a des engagements climatiques, notamment dans le cadre de l'accord de Paris, et puis cette volonté de vouloir produire toujours plus d'hydrocarbures qui manifestement est incompatible avec le changement climatique et avec l'accord de Paris. Comment réconcilier donc ces trajectoires complètement ambivalentes? Eh bien, en droit fédéral, il y a un nouvel instrument qui est apparu l'année dernière, le test climat ou test climatique. En fait, il est ainsi qualifié par la doctrine. Et peut-être va-t-il nous permettre de réconcilier le développement de projets avec nos cibles climatiques. Plus spécifiquement, ce test s'applique au projet de pipeline, c'est-à-dire le transport interprovincial d'hydrocarbures, notamment de pétrole. Et dans ce domaine, eh bien, on a eu de nombreux projets qui ont été développés par le nouveau gouvernement Trudeau qui se dit pro-climat. Donc on a eu trois pipelines majeurs, deux vers l'ouest et un dont vous avez certainement entendu parler, c'est le fameux Keystone XL vers les États-Unis. Donc déjà trois projets. Et le troisième que vous voyez sur la carte part donc de l'Alberta, c'est-à-dire de l'ouest, jusqu'à tout à l'est. Donc c'est un long pipeline, 4500 km, plus de 1 million de barils de pétrole par jour, hein, et du pétrole entre guillemets sale, comme le disait le président Obama. Et donc toute la question est de savoir à un moment quand est-ce qu'on va s'arrêter et comment on va réussir à concilier ce développement du transport et donc de la production indirectement d'hydrocarbures avec les objectifs climatiques. Et c'est là où émerge donc cette notion et cet instrument juridique donc qui existe en droit positif du test climat et qui vise donc d'une part à faire une évaluation des émissions de gaz à effet de serre d'un projet. Puis ça, nous, on connaît en France, on a les bilans de gaz à effet de serre pour le développement de projets. Donc en cela, ce n'est pas novateur. Mais ce qui est novateur, c'est que le test climat ne s'applique pas simplement au projet en tant que tel, c'est-à-dire au pipeline, mais qu'il va aussi évaluer la conséquence que va avoir ce pipeline sur la production d'hydrocarbures en amont. C'est-à-dire qu'on va avoir, en plus de l'évaluation climatique du projet, les impacts climatiques des activités qui vont être engendrées en amont. C'est donc un plus, on a une évaluation plus fidèle des évaluations climatiques. Et puis un autre point qui est intéressant aussi, c'est qu'en aval, c'est-à-dire la mise sur le marché des hydrocarbures, on va avoir une seconde évaluation qui est économique. Et là, on va se demander, mais est-ce que c'est rentable dans un monde qui va vers de moins en moins d'émissions de gaz à effet de serre, de mettre toujours plus d'hydrocarbures sur le marché? Et donc, je vous propose d'analyser ce test climat et de voir dans quelle mesure il pourrait inspirer notre droit français des évaluations climatiques. Alors, la présentation se fait en deux temps. D'une part, on va voir l'objet de l'évaluation. On ne va pas s'intéresser spécifiquement à l'évaluation climatique du projet parce que ça relève de manière classique un peu du bilan de gaz à effet de serre tel qu'on le connaît en droit français. Donc on va voir plus spécifiquement ce qui concerne les évaluations telles qu'on les a vues en amont et en aval. Et puis puisque c'est un nouvel instrument juridique, il convient de voir comment il va s'insérer dans le droit des changements climatiques. Le droit des changements climatiques se développe, les instruments se développent, et à un moment la question se pose de comment concilier les différents instruments du droit des changements climatiques. Donc voilà les deux temps de la présentation. Et puis donc d'abord les évaluations dans le test climat, et donc la nature juridique du test climat. Lorsque le gouvernement Trudeau, donc gouvernement libéral, est arrivé au pouvoir en 2005, il a pris une mesure intermédiaire. Avant de faire une véritable réforme du droit, on a une réforme à la fois du droit de l'énergie, une réforme du droit de l'environnement, il y a un processus qui est en cours. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est aussi le processus qui est en amont. Donc là, on est dans le processus. Et là, ce qu'a voulu faire le gouvernement, c'est d'adopter une mesure déjà préliminaire. Et ce que cela engendre, c'est que pour les nouveaux projets de pipeline, il y a une évaluation des émissions de gaz à effet de serre qui vont être induites en amont par plus de production d'hydrocarbures. Donc en cela, ça élargit le champ d'évaluation climatique, et c'est donc quelque chose qui est pertinent, qui est intéressant, mais qui pose problème actuellement parce que cela repose sur une déclaration politique. Donc ce n'est pas un instrument juridique. Et donc la conséquence que cela a, c'est que oui, on fait bien une évaluation environnementale, une évaluation climatique plus large du projet actuel, mais le problème c'est que ça n'a pas de conséquences juridiques. D'une part, ce n'est pas le demandeur qui fait son évaluation, mais c'est le ministère de l'Environnement qui le fait parallèlement. Et ensuite, lorsque la décision est prise par le gouvernement d'autoriser le projet, le gouvernement ne peut pas se reposer sur cette évaluation pour faire des recommandations ou avoir préciser certaines obligations spécifiques pour le projet. Ainsi, on a eu un projet qui a été autorisé, mais avec 157 conditions pour son autorisation, mais celle-ci ne se porte pas sur la question climatique, puisqu'on ne peut pas utiliser encore ce test. Ce n'est qu'un instrument d'information, et donc certes l'instrument est intéressant, mais il faudrait le juridiciser pour qu'il ait une véritable portée normative, et ainsi pouvoir se fonder dessus pour qu'il y ait des conséquences. Et donc ça nous amène à la question de la portée juridique du test climatique. À quoi pourrait servir cette évaluation des émissions de gaz à effet de serre? On peut se référer à la jurisprudence du 9 février du tribunal administratif fédéral en Autriche, qui a annulé un projet d'aéroport, et une des raisons de cette annulation tenait au fait que les impacts climatiques de ce projet étaient trop importantes par rapport aux cibles climatiques de l'État. Et donc on voit un des éléments de pondération était donc l'impact climatique du projet. Il est donc nécessaire, si on veut pouvoir confronter l'impact d'un projet avec les objectifs, que l'on ait des objectifs qui ne soient pas simplement à long terme, mais plus au niveau des années, comme a pu le faire l'Autriche, et donc de savoir, à chaque année, on veut réduire d'autant nos émissions, et un projet qui va avoir autant d'émissions, est-ce que c'est compatible ou pas avec nos objectifs? Donc d'avoir des cibles, plus que des objectifs, des cibles, et des cibles précises à court terme. C'est une condition pour pouvoir confronter l'instrument, et ensuite de pouvoir faire un lien entre cette évaluation climatique, son impact climatique et les cibles climatiques nationales. Et ainsi, on devrait pouvoir, lorsque la décision est prise d'autoriser un projet, devoir le confronter, soit de mettre certaines conditions pour qu'il réduise ses impacts, voire pourquoi pas interdire un projet comme ça a pu être fait dans le cas de l'aéroport de Vienne. Et on est véritablement non plus simplement dans une évaluation, mais dans un véritable test. On passe le test, on ne passe pas le test. Et donc là, on aurait une véritable portée juridique à cet instrument. Ensuite, ce qui est intéressant aussi dans le test au climat concerne l'aval, c'est-à-dire la mise sur le marché d'hydrocarbures. Donc, en droit fédéral canadien, pour autoriser un pipeline, il faut que celui-ci soit d'utilité publique. Et une des conditions d'utilité publique est de démontrer l'existence de marchés réels ou potentiels. Il faut donc démontrer qu'à l'issue du pipeline, eh bien, on va pouvoir exporter, parce que les hydrocarbures sont essentiellement destinés à l'exportation, trouver des marchés à l'international pour vendre les hydrocarbures. Or, un problème actuellement dans le système d'autorisation, c'est que l'on se fonde sur des perspectives économiques. Et les perspectives actuelles consistent à dire on va consommer toujours plus d'énergie fossile à l'avenir. L'Agence internationale de l'énergie est encore, dans une certaine mesure, sur ses perspectives. Les institutions fédérales canadiennes aussi. Donc, toujours plus de consommation d'énergie fossile, ce qui est en réalité en totale contradiction avec l'accord de Paris. Et notamment, un rapport de l'Agence internationale de l'énergie et de l'Agence internationale des énergies renouvelables qui a été publié la semaine dernière. Ce rapport, il nous dit que d'ici 2050, on devra réduire au moins de moitié notre consommation d'énergie fossile si on veut avoir une chance suffisante d'atteindre nos objectifs. Donc en réalité, il faudrait plutôt confronter l'analyse économique, non pas à des perspectives de consommer toujours plus, mais à nos objectifs, à nos engagements, c'est-à-dire de voir quelle sera la rentabilité d'un pipeline qui va durer pendant au moins 50 ans dans un monde où on va consommer de moins en moins d'énergie fossile. Est-ce que c'est toujours rentable finalement de faire toujours plus de pipelines alors qu'on va en vouloir de moins en moins d'énergie fossile? Et donc vous voyez que l'analyse économique en aval est aussi intéressante, parce que si la réponse est non, alors le projet ne serait pas autorisé. Donc ça, c'est le deuxième intérêt, c'est l'analyse économique du test climatique sur les aspects plus en aval. On a vu donc l'intérêt ici du test climat. Voyons maintenant son intégration dans le droit des changements climatiques. Est-ce que celui-ci s'insère bien ou pas, peut s'insérer facilement ou pas en droit des changements climatiques? Premier enjeu de conciliation, c'est la tarification du carbone et ce test climat. Il a été démontré que mettre un prix sur le carbone, c'est l'une des mesures les plus pertinentes pour réduire nos engagements. C'est généralement l'une des mesures qui est mise de l'avant. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est la seule mesure à mettre en œuvre? Si on regarde le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, on nous dit oui, la tarification carbone, c'est une mesure certainement prioritaire, mais il ne faut pas lésiner non plus sur les mesures réglementaires. Et donc le test climat pourrait très bien compléter la tarification carbone. Mais surtout, ça ne ferait pas double emploi avec une tarification carbone, parce que les logiques sont différentes. Le test climat vise à s'appliquer à des projets qui n'existent pas encore, c'est-à-dire des projets que l'on va évaluer mais qui n'existent pas et que l'on pense autoriser. On est donc plus dans une logique préventive. Éviter de mettre sur le marché, de développer de nouvelles activités industrielles notamment, qui seraient incompatibles avec nos engagements climatiques. Alors que la tarification sur le carbone, elle a le plus une logique curative, c'est-à-dire de réduire l'impact climatique des activités existantes. Donc, tarification carbone et test climat sont plutôt complémentaires. Certes, des mesures d'ajustement devraient peut-être être prévues, mais on n'a pas là d'incompatibilité. Au contraire, on a plus une logique de complémentarité entre ces instruments. Ensuite, au niveau du Canada, le Canada est un État fédéral. Claire l'a montré tout à l'heure, pour les États-Unis, on peut avoir des contradictions entre les engagements nationaux et les États fédérés, les provinces pour le Canada. Au niveau du Canada, c'est l'État fédéral qui s'engage au niveau international, notamment pour l'accord de Paris. C'est lui qui prend les engagements climatiques. Mais la mise en œuvre de ces engagements relève des provinces, donc des États fédérés. Et donc là, il y a la nécessité de concilier ces objectifs climatiques entre l'engagement global fédéral et la mise en œuvre concrète au niveau des provinces. Or, actuellement, on a certains plans globaux, mais la compatibilité n'est pas là. On n'a pas encore mis en relation ces différents objectifs. Et au contraire, si on regarde plus spécifiquement la question des sables bitumineux, donc ce qui est cette énergie sale, comme elle a pu être qualifiée, c'est-à-dire donc une partie des énergies hydrocarbures qui est produite au Canada, actuellement, elle représente un dixième du bilan climatique du Canada. Mais l'Alberta a certes fixé un plafond, mais la conséquence est que même si on atteint ce plafond, en 2030, l'objectif pour le Canada est de réduire de 30% ses émissions. Mais si on atteint ce plafond en 2030, eh bien, la part de ces sables bitumineux, donc l'impact climatique de ces sables bitumineux, va passer au niveau donc, du Canada de 1 dixième à 1 cinquième. 1 cinquième des émissions de gaz à effet de serre du Canada seraient attribuables simplement aux sables bitumineux, donc à une partie d'une activité spécifique des hydrocarbures. Et on peut voir, rien qu'avec cette perspective, qu'on a très peu de chances d'atteindre nos objectifs, et donc il y a une réelle nécessité d'harmoniser nos cibles climatiques au niveau d'un État pour que le test climat, en fait, puisse être véritablement cohérent. Et donc, qu'il n'y ait pas en fait un problème que les provinces inciteraient à produire plus d'hydrocarbures, parce qu'on peut atteindre un plafond, mais que cet hydrocarbure ne pourrait pas être transporté, parce que là, c'est le niveau fédéral, et là, au niveau fédéral, on aura un test climat. Donc, la nécessité, pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons d'harmonie, d'organiser l'ensemble du système. Et puis, enfin, dernier point, le test climat et les subventions aux énergies fossiles. On en parle beaucoup. Au niveau mondial, les subventions aux énergies fossiles, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars à chaque année et que les gouvernements financent. Et donc, on finance avec l'argent du contribuable eh bien, la production d'hydrocarbures. Au Canada, c'est l'ordre de 3,3 milliards de dollars à chaque année et essentiellement dans l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. Donc on est encore en train de financer des activités qui sont incompatibles avec les engagements climatiques. Cela a donc tendance à réduire le coût de production de ces énergies, donc à inciter à en produire toujours plus. Et donc cela vient en contradiction avec le test climat qui consiste à dire il faut plafonner les projets. Et donc on a une contradiction entre des subventions qui nous disent toujours plus et un test climat qui nous dit là on plafonne. Et là aussi il y aurait la nécessité de coordonner tout ça et idéalement finalement de substituer ces énergies fossiles et plutôt de les réaffecter à la transition énergétique, à l'adaptation également, pour éviter ces incohérences. Alors voilà pour la présentation du test climat en droit canadien, ce que l'on retiendra et que l'on pourrait... Est-ce que, pour répondre à la question, est-ce que l'on pourrait finalement l'adapter? Est-ce que ça présente des intérêts pour le droit français? Je pense que ça pourrait présenter un intérêt, donc d'étendre notre évaluation climatique au projet à plusieurs égards. D'une part, ce qui est intéressant dans le test climat, c'est que l'on va aller au-delà de l'évaluation climatique du projet pour aller voir les émissions supplémentaires qui vont être induites par le projet en tant que tel en amont. Donc ça, c'est intéressant. Donc on va élargir le champ de l'analyse en matière climatique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est intéressant, c'est cette notion de test. C'est-à-dire qu'à un moment, on va confronter les impacts climatiques du projet avec nos cibles et de voir finalement si ce projet est manifestement incompatible avec nos engagements. Eh bien, c'est la capacité soit de l'adapter, soit d'aller jusqu'à dire non. On pourrait donc l'adapter, là on a le cas des pipelines, on l'a vu, ça pourrait être applicable pour un projet d'aéroport, et donc on pourrait très bien l'étendre à d'autres projets, notamment français, de tout type. Enfin, l'évaluation de l'analyse économique, est-ce qu'elle présente un intérêt pour la France? La France n'est pas un grand pays producteur d'hydrocarbures, mais pour autant, on a quand même des projets, notamment en Guyane. Si vous suivez le projet de Guyane, on a des projets d'exploration, d'exploitation en eau profonde. Et là aussi, on envisage d'exploiter des hydrocarbures. Alors, est-ce que c'est, la question, elle est suivante, est-ce que c'est rentable d'aller toujours plus loin pour produire des hydrocarbures dans un monde